cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'akhadna fi darsina al-akhir fi sharh risalati al-usul min ilmi al-usul باب العام وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بتعريف مختصر طيب أي في الاصطلاح ما هو تفضل هو اللفظ المستغرق أكمل أفراده بلا حصر اللفظ والمستغرق لجميع أفراده بلا حصر فمن يذكر مثالا تفضل قل الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم أين العموم العموم هو إن الأبرار الأبرار نعم فتفضل إكسبيك أحسنت إن الأبرار لفي نعيم أي جميع الأبرار كل الأبرار tous ceux qui ont هذا الوصف البر والتقوى والإيمان فبإذن الله عز وجل ils auront cette récompense ils seront في نعيم أي في الجنة et ils auront divers récompenses et délices وذكر الصياغ العموم أما قبل ذلك قوله بلا حصر فماذا قلنا On avait cité une remarque importante, Fattal. Ahsant, na'am. Amma idha kana hunak hasr. Mathalan, on dit 1000 livres. Hada, ça englobe pas tous les livres. Ça englobe ces 1000 livres. Mathalan, 1000 livres, ils sont à vendre. Ou 100 livres, ils sont à vendre. Est-ce que Hada englobe tous les livres? Là, c'est 100 livres. Alors, ne pas comprendre Anna Al-Am, c'est un certain nombre, et Al-Khas, c'est Wahed. Là, Al-Am, ça englobe Jami' Al-Afrat, Bila Hasr. Amma si un Hasr, imma bi adadin ou bi wasf. Maintenant, on dit tous ceux qui ont telle caractéristique, fa kada. Et on cite quelque chose. فهذا c'est pas من العموم. لماذا لأنه حصرناه بوصف أو بعدد. هذا c'est important. Ne pas comprendre que العام c'est quelque chose de nombreux et الخاص c'est quelque chose de واحد. لا. ثم ذكر الصيغ العموم. فمن يذكر منها. C'est qu'il peut nous citer بعض الصيغ العموم. عندما تفضل. ما معنى هذا؟ ما دل على العموم بمادته. ما معنى هذا؟ أي اللفظ lui-même يفيد العموم. C'est ça qu'il faut comprendre. لأن سيلتبس عليك أبقى avec les autres. Même les autres يدلون على العموم. Même les autres ça montre العموم. لكن هذا بمادته. أي le mot كل. Le mot كل lui-même يفيد العموم. أما si tu prends ألف واللام مثلا Alif ou Lam, est-ce que ça montre l'umum? Pas forcément. Pas forcément. Si je dis Al-Mu'min, ça ne va pas englober tous les mu'minines dans certains cas. Ça dépend comment tu vas l'employer. Amma huna bimadate kul wa jami' wa kafa ay le mot lui-même yufid al-umum. Et il a cité Asma al-Shart ou Asma al-Istibham, Asma al-Mawsoula. Et on avait dit Hada, c'est lié avec al-Lugha, avec la langue arabe. فالذي درس اللغة سسرى très simple pour lui والذي ما درس اللغة على كل حال il fait des efforts pour comprendre الأدلة أي يستخرج منها العموم فمثلا قوله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أين العموم تفضل لمن أحسنت إن في ذلك لعبرة أي Il y a des ibar à tirer, des leçons. Pour qui? Liman yakhsha. Même s'englobe tous ceux qui ont Al-Khashya. C'est pas que pour les hommes, c'est pas que pour les femmes, c'est pas que pour les arabes, c'est pas que pour les non-arabes. Là, l'imam yakhsha, celui qui est muttasif bihada, il est englobé par al-ma'na. Ay annahu sayatadhakkar wa ya'tabir. Wa hakadha jami' al-ayat. Qawluhu 'azza wa jalla, wa idha balagha al-atfal minkum al-hulum falyasta'dhinu. Ayn al-'umum? On répète le verset. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا أين العموم؟ الأطفال سعام لماذا؟ لأنه هي ألف واللام زيد؟ ألف واللام plus précisément أحسنت الاستغراقية فهذه تشمل جميع من ذكر وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان هنا سانغلوب تو لي زيتر هومان لماذا لانه هنا الف واللام والف واللام هنا سي الاستغراق اي سانغلوب جميع الافراد tous ceux qui sont qualifiés d'être humain ils sont ضعيفs même s'il a du ilm même s'il a un iman قوي même si c'est un ملك même si c'est un roi il est qualifié de ضعيف من هذه الناحيه c'est un être humain et Allah il l'a créé ضعيف il est obligé de dormir comme tout le monde. Il est touché par la maladie comme tout le monde. Il oublie comme tout le monde. Il mourra comme tout le monde. Il est ضعيف. من هذه الناحية. هذا سبب مفيد. ثم ذكر un point important. العمل بالعام. العمل بالعام. Qui c'est qui peut l'akhas? هذه المسألة. إلا بدليل يخص هذا العام أحسنت أن الواجب سي العمل بعموم اللفظ que ce soit un nas من القرآن ومن السنة on est obligé de le mettre en application sauf si on a un délit qui nous montre une exception et c'est le dars qu'on va étudier ensemble بتوفيق الله عز وجل قال رحمه الله الخاص. Donc ces deux babs ils sont liés. C'est comme al-amr wal-nahi. C'est comme al-mutlaq wal-muqayyad. Pour comprendre un bab, tu dois étudier l'autre chapitre pour mieux le comprendre. Fa fi muqabil al-am ya al-khas. Qala ta'rifuhu al-khas lughatan didd al-am. Hada fi al-lugha. Wa hada sa ta'rif bid-didd. Bon, les ulama, ils emploient souvent cette façon pour définir. Tu peux définir un mot par une définition. Tu peux le définir par son contraire. Tu peux le définir par un exemple. Enfin, le définir par le contraire, c'est tayyib. Celui qui arrive à définir par un contraire, c'est qu'il a compris. Et al-haqiqa, c'est plus simple. C'est plus simple. Ba'dhum yadhkur des ta'arif fi al-khas ay lughatan. Lakin le définir par son contraire, خاصةً quand tu as étudié العام. العام لغةً قال الشامل. الشامل. Et ça va englober. C'est un lafz qui va englober beaucoup de choses. Et جميع أفراد. جميع أفراد هذا اللفظ. مثلاً الأطفال. Dans le verset qu'on a cité, ça englobe tous les enfants. وخلق الإنسان ضعيفا. Ça englobe tous les êtres humains. هذا c'est العام الشامل. Al-khas, c'est le contraire. Ça ne va pas englober tous les afrad. Al-insan, al-atfal, al-mu'minun, on verra que dans certains cas, il y a des ahkam qui sont khas et spécifiques. Et en fait, on n'a pas besoin de s'étaler sur le ta'arif, parce que les gens s'étalent sur ça et ils détaillent, et ils rendent compliqué la chose. Que ce soit des ta'arifs en langue française ou en langue arabe. Quand c'est simple, on laisse simple. Al-am, c'est shamil, le ratan. الخاص هو son contraire. قال واصطلاحا اي عند الاصوليين اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشاره والعدد. Donc c'est اللفظ الدال على محصور. Vous vous rappelez التقييد que Cheikh Ibn Uthaymeen il avait cité في العام, c'était quoi? Qui est lié à notre tarif. أحسنت بلا حصر. Vous vous rappelez, on répète العام. قال اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أي ça englobe جميع الأفراد. مثلا خلق الإنسان ضعيفا, ça englobe tous les êtres humains بلا حصر. أي on peut pas faire sortir un être humain de هذا الوصف. أي الضعف. الخاص قال على محصور. اللفظ الدال على محصور, c'est le contraire. C'est un lafd qui va montrer une exception. Donc ça montre bien que le khas il est lié au am. Si tu as un khas, c'est que le am il est cité. Limada li anna al khas va spécifier la globalité. Shumul al am. Qala bi shakhs ou adad, ça peut être un homme, un shakhs. Maintenant je dis at-tullab yadhhabun. At-tullab yadhhabun. Ça, c'est un lafd am. Al-tullab. Al-istigraqiya, ça englobe tous les tullab. Illa Muhammad. Illa Zayd. Hada khas. Et je cite un shakhs, un nom. Ça peut être bi al-a'lam, kama qala, ou l'ishara. L'ishara, maintenant, je dis illa fulan. Et je montre du doigt. Ça fait que tout le monde doit sortir sauf al-akh. Al-adad. Je dis « illa wahid ». Même si je ne vise pas quelqu'un « bi'aynih », lakin al-muhim, un frère y reste. Donc, « hada » c'est min al-khas. Vous avez compris ? On répète « al-lafdu »« al-dal ala mahsour »« bi-shakhs » ou « adad » « ka-asma'il a'lam » ou « al-ishara » ou « al-adad » Et si on rajoute « bi-dalil » fa-tayyib. Si on rajoute « bi-dalil » lianna al-usuliyoun, ils vont citer les textes, ils vont citer هذه المسألة par rapport au texte. On est fait usul al-fiqh. هذا ça doit être fait bidalil. En بعضهم ils ont cité un tarif plus simple. Al-mukhraj min al-am bidalil. هذا il est أسهل et ربما il est أدق, il est plus précis. Al-mukhraj min al-am bidalil. Pourquoi هذا التعريف il est طيب? لأن أولا العام il est cité. On a dit al-khas بمقابل العام. Pour avoir un khas, il faut avoir un am. Pour avoir une spécificité, il faut avoir une globalité. Wa illa, tu vas spécifier quoi? Ma'rouf. Maintenant, je dis Muhammadun safar. Ou Muhammadun mat. En haqiqa, c'est pas, on ne peut pas parler de khas ou am, on a informé que Muhammad. Lakin, si je dis at-tullab safaru, ou safaru, illa Muhammad. Huna, c'est le khas. فإلى في مقابلة العام. Donc في التعريف cité العام سطيب et كذلك cité un دليل. أي في الاصطلاح هم بعض. أما لغة فالتخصيص ça peut être بأي شيء. لكن في الاصطلاح أي عند الفقهاء عند الأصوليين في أصول الفقه لابد هذا التخصيص يسوى بدليل. المخرج من العام بدليل. Et vous allez voir que تعريف التخصيص ça va être proche de ce qu'on a dit et on pourra faire le lien entre les deux ta'arif. قال فخرج بقولنا على محصور العام. اللفظ الدال على محصور. هذا ça fait sortir العام. لكن le cité في التعريف c'est طيب. قال والتخصيص لغة ضد التعميم. التخصيص c'est le فعل. التخصيص c'est le فعل. Aïe, le fait de rendre une chose spécifique. C'est ça, takhsis. Falouratan, c'est le contraire de at-ta'mim. At-ta'mim, c'est rendre une chose globale. Wastilahan, ikhraj. Ba'adhi afradi l'am. Ikhraj, ba'adhi afradi l'am. Vous avez remarqué que huna qala ikhraj. C'est un fi'l. C'est une action. Aïe, le fait de faire sortir ou de citer une exception d'une globalité. At-tullab yajlisun illa fulan. On a fait un taqsis, on fait sortir wahid de cette globalité. Un frère, il reste pas assis, il se lève et il sort. Fa at-taqsis c'est le fi'l. Donc si on revient à notre premier ta'rif, al-mukhraj min al-'am bi dalil, al-mukhraj c'est al-khas. مثلاً المخرج ça peut être محمد. On dit tous les tullab. Il reste excepté sauf Mohammed. Mohammed, il est khas. C'est l'exception. At-tarsi, c'est moi qui le fais, bi-kalam. Quand je dis cette phrase, je fais un tarsi. Fat-tarsi, c'est quoi? C'est ikhraju wa'adhi afrad il'am. Donc, avec le ta'rif qu'on a ajouté, et avec le ta'rif que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité fi at-tarsis, bi-idnillahi azza wa jal, c'est simple. Ala kulli hal, al-khas yuqabil al-am. Al-am, c'est la généralité, la globalité. Al-khas, c'est spécifier une chose de cette généralité. Imma bi-adad avec un nombre. Matalan, tous les tullab, vous sortez, sauf deux frères. Les deux, c'est une exception. C'est une exception de quoi? Hey, du fait que les autres ils doivent sortir. Ahada. Et le fait de le dire, c'est at-tarsis. C'est at-tarsis, hey, faire sortir une exception ou citer une exception d'une globalité. Et ahada, c'est mouvide fait le fiqh. Il y en a بعض الاحكام عامة et il y a des exceptions. Et si on maîtrise pas ahada, beaucoup de textes, on n'arrive plus à les comprendre. Et beaucoup de fatwa, elles sont fausses. Elles sont pas prises en compte. Les ma'adha, les yanna, mitla, hadha al-bab al-muhim, il est pas maîtrisé. Allah subhanahu wa ta'ala, istatna ba'd al-umur. Et on va étudier ensemble les exemples de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik, il a cité des exceptions dans certaines choses. Enfin, ces exceptions, on doit les prendre en considération. Si on reste que sur l'adil al-am et on délaisse les preuves qui spécifient la globalité, c'est très très grave. Kadhalik, et ça arrive à notre époque, et c'est déjà arrivé dans toutes les époques, ba'd ad-dullab yukhassisuna ba'd al-umur bila dalil. Maintenant, tu as un dalil am. Globalité. Et hum, il spécifie une chose avec les passions. Quand un foulan, il n'est pas concerné. Si tu demandes pourquoi, il n'y a aucune preuve. Là, si le dalil est am, ça englobe tout le monde, ça englobe tout le monde. Personne n'est au-dessus de la vérité. Personne n'est au-dessus des textes. L'imam d'Ali, le Coran, le Sunna, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. Et qawluhu le haq. ويحب الحق جميع الناس on est obligé نتحاكم الى القران والسنه فهم respect العام s'il est عام الدليل العام on respecte الدليل الخاص s'il est خاص كذلك si on a un dalil عام et un dalil خاص on doit savoir comment se comporter. Est-ce que on fait passer al khas avant العام ou on délaisse le khas et on prend العام? Tout ça c'est l'objectif de cette étude. فهذا الباب c'est من اهم ما يكون في الأصول أي باب العام والخاص. قال رحمه الله والمخصص بكسر الصاد. المخصص c'est ce qui va spécifier. المخصص بالفتح c'est ce qui est spécifié. فانتبهوا. المخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع أي c'est القرآن والسنة. C'est الله سبحانه وتعالى et Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre dîn, personne n'a le droit de spécifier un texte sauf s'il a un délit. Et هذا c'est muhim. Et l'imam Shawkani rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil via هذا. On essaiera de le citer pour la semaine prochaine. Inch'Allah, si on n'oublie pas. Il a un kalam jamil. لماذا? لأن بعض أهل الأهواء ils ont ouvert un bab. Et يخصصون من أنفسهم ويقيدون من أنفسهم. Il faut sortir بعض الأشياء, certaines choses d'une globalité sans aucune preuve. مثال أحيانا tu as un dalil clair من القرآن ومن السنة أن telle chose c'est haram. ثم tu trouves بعض الناس إما à cause de l'ignorance إما à cause des passions. ماذا يقولون؟ يقولون شيخ un tel قال كأنهم ils citent la parole du شيخ أنها cette parole elle spécifie la globalité qui est citée dans les textes. Et هذا إما c'est من الجهل إما c'est من الضلال. Si le texte il est clair et les ulama ils ont expliqué ces textes, ثم واحد يكون تخدي on n'a pas à le prendre comme comme preuve il y a l'iman d'aller انه هو c'est pas une preuve ثم cette personne ça peut être un savant de la sunna mujtahid mukhti il s'est trompé et alhamdoulillah il est récompensé pour son ijtihad amma les suiveurs vu que beaucoup de suiveurs ils sont ignorants antarubama tu cites un dalil ثم يقول لك لكن فلان il a dit تذكرون on avait lu كلام شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد في تحريم الصور والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار كل مصور أين العموم كل ثم قال عليه الصلاة والسلام أن أدخل دليل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة أين العموم؟ أحسنت النكرة في سياق النفي لا تدخل سنفي لا تدخل أي les anges ils n'entrent pas dans une maison هذا النفي dans un chien dans un dans une maison فيها كلب ça englobe tous les chiens est-ce que واحد il a le droit de dire لكن telle race C'est permis. Les anges y rentrent. L'imada, on m'a dit, « Oh, j'aime ce chien. Oh, c'est un chien de compagnie. Oh, je l'ai acheté cher. Oh. » Les anges, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Nafs al-shay, soura. » Soura, il est nakira. Il n'y a pas alif wal-lam. « Kalbun ou soura. » La fi siyaq al-Nafi yufid al-umum. Ça englobe toutes les photos. Toutes les photos qui sont faites à la main, qui sont faites avec un téléphone, avec un appareil. Que ça soit la photo d'un savant, que ça soit une photo muharrama, les anges n'y rentrent pas. Et là, je sais que certaines photos, elles sont plus graves que d'autres. Lakin, le fait que les anges n'y rentrent pas, ils rentrent pas. Fallait hada Cheikh Al-Bouzan, hafidahullah ta'ala, dans son kalam qu'on avait lu, vi'anat mustafid, il avait montré, anna hada si'am, et là, il y a juste de le khassas avec le qawl d'un bachar, même si c'est un savant de la sunna. C'est un savant de la sunna, na'taqid annahu c'est un fadil, il est mujtahid, il est pas ma'soum, il s'est trompé. Amma les suiveurs. Maintenant, si tu cites Hadad Dalil, il ne peut pas te répondre et il ne pourra pas te répondre en général, si c'est Wahed qui suit la vie d'un shir avec ignorance, avec les passions, taqlidun ila akhri, il n'aura qu'une chose, il va te dire, mais shir, un tel qal. Là, il kfi Hadad. Tu es obligé de nous montrer avec un autre Dalil pourquoi on devrait comprendre ce Dalil que certaines photos c'est permis. Non. C'est pour ça que tu vois la différence, Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, madalan, quand il explique pourquoi, dans certaines fatawas, son avis, c'est que certaines images, ça rentre pas dans At-Tahri, Al-Quwa, Wat-Tafsil, et ça se voit, c'est un imam de la Sunna qui a compris le sujet, et pourquoi il a dit cette fatwa, il l'a pas dit An-Hawa, ou An-Jahl, Abadan, c'est un imam, rahmatullah alayhi. Et la différence avec certains ignorants, qui prennent cette fatwa avec ignorance et certains avec passion, et il n'a même pas étudié le sujet. Kanaho, c'est un bouclier pour se protéger de l'intiqad, des remarques des frères. Mais Sheikh Antel, il a dit, en gros, laisse-moi ton dalil am, le Sheikh, il a dit. Le Sheikh, il ne khassas pas de dalil abadan. Ah, là, c'est un exemple pour vous montrer l'importance de Had al-Bab. Et on avait lu Kalam, I'anat, Kalam Cheikh al-Fawzan, I'anat al-Mustafid, fi Sharh. Kitab al-Tawhid, qu'on avait étudié ensemble, fi ma athkur. Ou dans un autre dors, ou avec des autres frères. Tathkuroun, c'est ma'akoum? Non. Taïf. Qala rahimahullah. Huwa al-mukhassis bi kasri s-sad, fa'ilu al-takhsis, wa huwa al-shari'. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala et al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص نعم دونك استفدنا ان المخصص سي بالقران سي avec un dalil بالقران والسنه اي التخصيص بلتو سي avec un dalil من القران ومن السنه والمخصص celui qui va spécifier un dalil عام il est obligé de citer un dalil من القران Et pour pouvoir citer ce dalil et spécifier, il faut revenir à Ahlul Ilm. Il faut étudier ses bases essentielles dans l'usul. Il faut étudier Kutub al-Tafsir, Les ulama, quand ils expliquent le verset, ils montrent l'imam, il est âme, et c'est quoi qu'il le spécifie, il a akhiré. Et fi adwa al-bayan des amthila jamila. Il a expliqué le Coran, bil Coran, l'imam al-Shanqiti, rahmatullah alayhi, il cite min hada al-bab. Il montre qu'il n'y a pas de contradiction. Hada il est khas, hada il est âme. Ou hada il est âme, hada il est khas. Ce dalil l'a spécifié hada, il n'y a aucun problème. Qala, wa dalil al-takhsis naw'an, muttasil wa munfasil. Aïe. التخصيص il peut être متصل et il peut être منفصل. قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه ما لا يستقل بنفسه اي il peut pas être cité seul, il est forcément lié à autre chose. C'est ça l'ittisal. On dit من شروط الصحة الاتصال في السند. الاتصال اي c'est que chaque rapporteur il a entendu le hadith de son shir, où il a pu rencontrer son shir, ça dépend des shurut de l'imam. Et ça, le muhim, c'est une liaison, c'est que deux choses elles soient liées. قال والمنفصل ما يستقل بنفسه. المنفصل, c'est le contraire. Il n'est pas lié à une chose directement. فقوله فالمتصل ما لا يستقل بنفسه. أي أن هذا الخاص on est fil khas, n'oubliez pas, faites le lien avec ma taqaddam hatta vous suivez. فالمتصل اي tu vas avoir un dalil, العام il est cité et التخصيص il est cité dans le même dalil في كلام واحد. Et avec الامثله ça va être plus clair. المنفصل le التخصيص est ce qui va spécifier la globalité, il est pas cité dans le même texte. مفهوم. قال فمن المخصص المتصل المخصص هنا بكسر الصاد. فمن المخصص المتصل اولا الاستثناء. Il a cité plusieurs catégories de مخصص اي des choses qui vont spécifier la globalité. Il a cité الاستثناء, il a cité الشرط et il a cité الصفة. Trois choses, trois exceptions, si on peut appeler cela des exceptions. On commence par l'istithna. Et هذا il est كثير. قال أولا الاستثناء وهو لغة من الثني بسكون النون. الثني. Ne pas lire الثاني. Là, il n'y a pas de mad. النون il est ساكن. قال وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. أي عطفه هذا لغة الاستثناء أي ça vient de الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه أي ça montre que c'est lié أي telle chose elle est liée à telle chose. Et ce qui nous intéresse نحن c'est في الاصطلاح. قال واصطلاحا أي الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. هذا تعريف مختصر جميل. إخراج بعض أفراد العام. Vous avez remarqué que العام il est cité. بإلا أو إحدى أخواتها. C'est ça الاستثناء. الاستثناء c'est le fait de faire sortir إخراج بعض الأفراد. Pas forcément un. Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être dix. مهم faire sortir بعض الأفراد d'une globalité. Tous les frères, vous vous levez. Sauf Suleyman. Tous les frères, c'est la globalité. Al-Am. Kul. Ou Jami' al-Ikhwa, on peut dire. Jami'. Illa, c'est la lettre qu'on a choisie pour faire l'istitna. Falihada qala ikhraju ba'di afrad al-Am bi illa. Et avec illa, par le moyen de illa. Donc, tous les frères, vous vous levez. Illa Suleyman. Traduire par sauf, tu peux traduire par excepté. La ilaha illallah. La ilaha ilah. Il est nakira fi siyaq an-nafi. La ilaha illallah. Thumma une exception. Il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. Al-Shahada, tu as un exemple tayyib, et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité d'autres exemples. Aham shay huna, c'est at-ta'rif. On le répète, إخراجوا وبعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إلا أو avec, avec des autres أحرف qui ressemblent à إلا. Comme غير, comme حاشا, comme ليس, comme عدا. نعم. عدا فلان, حاشا فلان, غير فلان. Tout ça c'est des moyens de faire une exception. قال كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc on a bien العموم إن الإنسان لفي خسر. Et tous les êtres humains, ils sont في خسر. Ils vont à leur perte. إن الإنسان العموم c'est من ألف واللام. Et ça englobe جنس الإنسان. Et l'être humain. Homme, femme, arabe, non-arabe, tout le monde va à sa perte. Il. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué que al-takhsis il est muttasil. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, on est toujours dans l'exemple al-muttasil. Al-muttasil, il est fait de plusieurs choses. Al-istitna wa al-shart wa al-sifa. Fahuna, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un lafz am, inna l'insana la fi khusr. Thumma, directement, qala azza wa jal, illa alladhina amanu. استثنى عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي celui qui ne veut pas aller à sa perte في الدنيا وفي الآخرة. Il doit faire des efforts في هذه المعاني العظيمة. إن إلا الذين آمنوا الإيمان والعمل الصالح la foi les bonnes œuvres وتواصوا بالحق s'entraider في الحق et attawassou bis sabr et كذلك s'entraider dans la patience. هذا c'est un مثال جميل et il est clair. On a bien illa, on a bien l'am. Si on طبق le hadith الان ou le ta'rif, ikhraj ba'd afrad al'umum bi illa al'umum la c'est al-insan. Ikhraj ba'd afrad al'am bi illa on l'a bien illa. Et ceux qui sont sortis de هذا al'umum, et de la perdition, ces êtres humains qui vont à leur perte, c'est les croyants qui font des bonnes œuvres et qui s'entraident la vérité et la patience. Donc, tu peux bien tabak le mithal à al-ta'rif. Et c'est ça l'essentiel fi ilm al-usul. Wa hakada ilm al-mustalah, wa hakada ilm al-lugha, al-nahw et autres. C'est de connaître les règles et de les mettre en application, avec des exemples. Wa illa connaître les règles sans pouvoir les mettre en application, ou sans comprendre al-amthila, fa hada la yufid kathiran. Tu ne profiteras pas kathiran. Là, tu vas connaître Obama, un tarif par cœur et un texte très simple, tu ne pourras pas appliquer la règle que tu as apprise. Fal-inaya, al-ta'arif, les définitions, vous les mettez bien en valeur, en les surlignant, mathalan, et vous donnez de l'importance au mithal. Mathalan, quand tu vas faire un muraja'a chez toi, quand tu vas réviser, tu vas apprendre le tarif, tu vas le comprendre, sans moi. مثلا الاستثناء شوف التعريف اللغوي سهل perdez pas votre temps مع هذا كثيرا خاصة les frères qui comprennent pas encore bien la langue arabe passe au تعريف الاصطلاحي si tu arrives à faire le lien avec اللغوي فطيب وإلا فconcentre-toi sur تعريف الاصطلاح أي qu'est-ce que ça veut dire الاستثناء عند الأصوليين les savants du أصول qu'est-ce que ça veut dire pour الاستثناء tu étudies التعريف أو تلغيز إخراج بعض أفراد العام. Si tu l'as compris, fais le lien avec le مثال. Lis le مثال. إن الإنسان في خسر. Essaye d'appliquer. مثلا إخراج بعض أفراد العام. فأولا je cherche le عام. أين العام؟ Tu vas le trouver الإنسان. ثم إخراج. إخراج بعض أفراد العام. أي il y a une catégorie de personnes qui sort de cette globalité et qui ne va pas à sa perte. Et dans le تعريف c'est avec il. Est-ce que c'est ce qui a cité après il? Enfin, tu reviens au verset illa alladhina amanu. C'est très très simple. Hakada pour mieux comprendre. Qala fa kharaja bi qawlina bi illa aw ihda akhawatiha at-takhsis bi shart wa ghayrih. Na'am. Donc at-takhsis c'est de plusieurs façons. Ça peut être al-istithna et ça peut être avec ou d'une autre façon. ثم إلى ستة شروط الاستثناء قال شروط الاستثناء أي الاستثناء له شروط أي دي كونديسيون امبورطونت. قال يشترط لصحة الاستثناء شروط منها. Donc plusieurs conditions. Il en a cité deux. الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. أي سكو الاستثناء أو المستثنى منه بلوتو يكون متصلا. مثلا مثل هنا إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. أي سي بيان لي أي المستثنى منه إلى السيتي. Il est cité après al-istithna. Ou plutôt al-mustathna min. Huna inna al-insan la fi khusr illa alladhina amanu. Na'am. Qala fal-muttasil haqiqatan. Donc il a cité deux choses. Ittisaluhu bil-mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Al-ittisal peut être haqiqatan aw hukman aw ila hukm al-ittisal. قال فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فأصل أو فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. هذا سي تري سامبل. المتصل قال حقيقة المباشر للمستثنى منه. المستثنى منه سي الإنسان أداة الاستثناء سي إلا الذي استثنى الذين آمنوا. Donc tu as plusieurs choses. Quand tu as العموم مثلا الإنسان هنا dans notre verset من شروط الاستثناء il faut que on répète المباشر المستثنى منه. نعم المباشر المستثنى منه بحيث نعم فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه أي Mastutniya, il faut qu'il soit directement cité après le mustatna minh. Mathalan, là, je dis, Jami' al-tullab yaqoumoun, illa fulan. Donc, tout le monde va se lever, sauf un frère. Si je dis, Jami' al-tullab yaqoumoun, tout le monde se lève. J'attends. Une minute après, je dis, à un frère, limada, tu t'es levé. Il va me dire, Léana, t'as dit, Jami al-Tullab, il se lève. Je lui dis, Lakin, je dis, illa ant. Il va me dire, faut aller le dire avant. Illa, il n'y a aucune ma'na. C'est pas possible d'appliquer. Mais vous, fahad al-murad. Ça, c'est très très important. Ça, c'est très très important. Wa illa va, wa'ad al-nas, rubbama yatala'aboun avec l'alphab. Maintenant, là, je te dis, demain, tu emmènes toutes les rasa'il que tu as dans Kada. Thomas, quand tu les emmènes, je te dis là, pourquoi tu as emmené celle-là? Là, il y a un bari. Ça montre un, si on veut faire un istithna, on doit citer al-mubashir lil-mustathna min directement. Wa illa fala yaliq. Thomas, il a cité al-muttasil hukman, ma fassala baynahu, وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. هذا اللي في المتصل حكما. Pourquoi on dit pas حقيقة عندما pourquoi on dit pas que c'est un متصل متصل ça veut dire qu'il est cité directement. Pourquoi on dit pas il est mené المتصل حقيقة لماذا on dit حكما. المستثنى المستثنى منه والمستثنى والاستثناء في الفاصل. نعم لماذا لانه لا باسيتي ديريكتومون. لكن لماذا ودي حكما لماذا لا مي كومون دون المتصل لماذا لان هذه الامور اون بو با لي ريبوسي. خذ مثلا العطاس. Je dis tous les طلاب vous vous levez ثم j'éternue. Ou je tousse. Donc, il y a une coupure. Je n'ai pas dit directement. Ou je reprends ma respiration. Maintenant, la lecture du verset. Inna al-insana la fi khusr. Tu t'arrêtes. Illa al-ladhina amanu wa amilu s-salihat. Hada, c'est fi hukma al-muttasil. Même si tu t'arrêtes. C'est pour ça qu'ils disent hukman. Et il a le hukm de l'ittisal, même s'il y a un arrêt. Et en général, cet arrêt, cette coupure, elle sera très courte. L'insan, il va tousser, il va éternuer, ça va lui prendre quelques secondes. Thumma, je vais dire, tous les tullabs, ils se lèvent, je tousse ou j'éternue. Thumma, quelques secondes après, je dis, illa fulan. Alhamdulillah, al-maqsoud, il sera clair. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء أما si un فصل بينهما il y a une coupure entre العموم et la spécificité que tu veux faire ففي هذا الحال s'il y a une coupure alors que tu peux repousser cette coupure فشيخ ابن عثيمين قال لا يصح أو سكوت أو الإنسان يسكت لكن هنا on précise bien سكوت طويل سكوت طويل أما سكوت très court ça arrive tous les طلاب vous vous levez et j'attends une seconde et je dis sauf un tel enfin طيب il y a pas de problème لكن si j'attends longtemps ثم une fois que les طلاب sont levés je dis bah هذا الاستثناء فيه نظر et l'exemple qui va citer Cheikh Ibn Uthaymeen vous allez voir qu'il va éclaircir beaucoup de choses inshallah. قال مثل أن يقول أي يقول قائل سأسأل إكزام عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا لا يصح الاستثناء ويعتق الجميع هذا c'est pour fermer les portes et cet exemple في dans la vente فطيب فتأمل أنت لو on va faire une vente et là je vais te vendre maintenant des livres. Ces livres qui sont ici. Et je te dis tous ces livres, et un tas, tu les regardes, ils te plaisent, les titres, les maisons d'édition, il a après. Je te dis tous ces livres, telle somme. 1000 dirhams, mathalem. Et je me tais. Et un tas, tu dis tayyib. Tu regardes et tu confirmes, tu dis tayyib. Et tu commences à compter l'argent, il a après. Ça dure une minute, deux minutes, cinq minutes. Quand on s'est mis d'accord, tu es prêt, je t'ai dit sauf tel livre, et je retire 3-4 livres. هذا لا يصح. لا يصح. أبدا. لماذا؟ لأن cette façon فيها تلاعب. Et c'est très très grave. C'est pour ça que شرعنا pour fermer les portes, l'ittisal, il faut qu'il soit متصل. Si tu veux que telle chose et telle chose, مثلا les livres, ils ne rentrent pas dans la vente, tu le dis au départ. حتى le frère il regarde est-ce que le prix est monasib, est-ce que ça vaut le coup, il a akhir. Et هذا ça arrive كثيرا. C'est pour ça que انتبهوا خاصة dans ce genre de vente. Et je vends tout ça. Et c'est déjà arrivé هذا. C'est déjà arrivé maintenant ils ont vendu tout ce qu'il y a dans leur appartement. Ils mettent des annonces, واحد il vient, il regarde et ça lui plaît. Des appareils électriques, des appareils ménagers, des couvertures, des canapés, beaucoup de choses de la maison. Et il donne un prix, et où il regarde, et le prix, il fait ses comptes, c'est raisonnable, il veut acheter. Thumma, quand il vient, il voit que telle chose elle a été retirée. Et il lui dit, là, en fait, c'était pas moi, c'était à mon frère, là, c'était à ma mère. Là, il y a l'air. Il y en a vie khida. Il y en a, ça fait vendre. Quand il dit tout ça pour telle somme. Et thumma, il retire sans lui avoir dit. En fait, c'est un istitna. Tout est à vendre. إلا هذا وهذا لكن لا كوبير سا أنول تو فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع أي سيدي تو ميز اسكلاف جو ليز افرانشي ثم يسوتي ثم لونتان أخي يقول سوف انتل انتل لا يليز افرانشي توس ففي الحقيقة l'exemple qu'on a donné avec la vente normalement la vente vu qu'il avait dit tous les livres ou tout ce qu'il y a dans l'appartement, tel prix, normalement, celui qui achète, il doit tout prendre. Normalement. Et si ça fait des fitaines et il ne veut pas, l'insan, il se retire, alhamdulillah. قال الشيخ ابن عثيمين وقيل يصح الاستثناء مع السكوت. لكن هنا c'est اليسير. C'est pour ça que l'exemple qu'on a donné, vous avez remarqué, c'est الطويل. Un jour après, une heure après. أما السكوت اليسير. فلا شك أنه سيبرمي السكوت اليسير أي ستة كالك سكون هذا الاستثناء اللي فالابل قال أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أي الفصل السكوت اليسير Et le kalam, il est wahed. Et c'est la même assise. Tu parles avec la même personne. On est dans le même sujet. Matalanana, je te dis, tous ces livres, ils sont à vendre. Et on est assis dans le même assise. Thomas, je réfléchis et au bout de 4-5 secondes, je dis, il a en fait ce livre-là. Faviad al-Halaya, juste, tu dis, là, là, tu as dit tous les livres. Moi, je prends tous les livres. Là. Amma, si c'est un jour après, et on s'est séparés, et Anta, tu viens pour me payer, et là, j'ai retiré 4-5 livres, et tu me dis, là, Kin, il manque tel livre, et je te dis, là. Là, là, ces livres, j'ai réfléchi. En fait, ils sont pas, ils rentrent pas dans l'umum, ils rentrent pas dans la vente. Ces livres, en fait, je les vends pas. Là, là, là, il me donne. Imma, il vend tout, imma, tu te retires. Fahuna, c'est pour ça que قال اذا كان الكلام واحدا et on précise والسكوت يسيرا او قليلا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه فقال العباس رضي الله عنه. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des choses générales, globales. La yu'dad shawku wa la yukhtala khala. Ça englobe tout. Et on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de, d'enlever un shawk, ou de casser une feuille d'un arbre, ou de casser une branche en état d'ihram. Hada fi Mekka, la yajouz. La yajouz. Tu touches pas aux arbres, aux feuilles. Faqala al-Abbas radiyallahu anhu, ya Rasulallah, illa al-idkhir. فإنه لقينهم وبيوتهم. فابن عباس رضي الله عنه إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم صف الإذخر. الإذخر c'est نوع من النبات. C'est un genre de plante. Ils l'utilisaient dans certains cas. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فتأملوا قوله إلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر après un moment. ففي هذا الحال c'est l'istitna, il est valable. L'imada, c'est dans la même assise. Thanyan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par al-wahi, bien sûr. Et al-fasl, il était qalil. Combien de temps al-Abbas, il a mis, radiyallahu anhu, pour dire cette phrase? Quelques secondes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu. Et on peut citer un exemple toujours avec nos livres pour vous rapprocher le ma'na. Je dis, matalan, tous ces livres, ils sont à vendre. Celui qui me donne 500 dirhams, je lui vends tous ses livres. Tayyib, un frère, il est intéressé. Thumma, un frère dans l'assise, il me dit, lakin, ce livre, maintenant, Kitab Tawhid, c'est le mien. Après, là, je dis, sauf Kitab Tawhid, illa Kitab Tawhid, je le retire. Alhamdulillah, celui qui veut acheter pour 500 dirhams, et bien sûr, Kitab Tawhid, il n'est pas dans les livres à vendre. Ah, là, c'est la même chose. Amma, si on attend longtemps et on fait l'istitna khassatan dans les exemples qu'on a donné min bab al-khida' ila akhiri pour tromper son frère fa hada la shak annahu la yajuz qala rahimahu Allah wa hada al-qawl arjah li dalalat hada al-hadith alayh eh na'am donc hada al-hadith nastafid minh anna as-sukut al-yasir ça rend pas invalide l'istitna et كذلك anna si une personne, elle te rappelle l'exemple qu'on vient de donner avec les livres, et كذلك le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam قبل ذلك, si une personne, elle te rappelle, elle a telle chose, elle sort de la globalité, et tu le cites, فالحمدلال, istitna, il est valable. هذا, c'est le premier short, al-ittisal. Le deuxième, أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه, فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة إيه هذا الصحيح أما le fait de dire que si المستثنى on disait المستثنى منه في المقابل on disait الذي استثنية Al-Afdal, c'est le ta'bir. Tu as le mustatna et tu as le mustatna minh. Na'am. Fa'qawluhu, inna l'insana la fi khusri illa ladhina amanu. Al-mustatna minh, c'est l'insan. Wa al-mustatna, l'exception, c'est al-ladhina amanu wa amilu s-salihat. C'est ce mot qu'on recherchait. Mustatna wa mustatna minh. Fa'ba'd al-nas yaqulun, an la yakun al-mustatna akthar min nisf al-mustatna minh. Si tu as 10, Si l'exception elle est plus de 5, je vends ces 10 livres. Sauf 6. Hakika, j'en vends que 4. Ils ont dit là, il faut que ça soit moins de la moitié. L'exemple qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, il est wadih. Ou le qawl de Cheikh Ibn Uthaymeen, il est wadih. وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة لهذا c'est الصحيح. Mais en général, comme تعلمون, l'exception elle est moins de la moitié. وإلا, en général, on dira pas je vends 10 livres sauf 6. Là, tu vas dire je vends 4 livres et tu vas lui montrer. En général, là qu'il قدر هذا ça annule pas الاستثناء. قال أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها هذا سفه أو استهزاء أو لغو من القول واحد يدي je vends ces 10 livres il te montre tu as 10 livres il te dit je vends ces 10 livres sauf les 10. هذا سيبا كلام العقلاء هذا سيبا كلام العقلاء فلهذا سيكلام إلى أكن وزن إلى أكن بوى إلى بابخي أن كنت قال أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين تقدم قال وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد سيبا كنا ستان اكزمبل avec 10 livres وإلا قال أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وأتبع إبليس من بني آدم أكثر من النصف تقدم معنا أن القول من سيسي بلس كالنصف فسيبالا لكن على القول de ceux qui disent que quand c'est plus de la moitié فسيبا pris en compte فعندهم سيسا وصف سيب pris en compte هذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال شيخ ابن عثيمين وأتبع إبليس من بني آدم أكثر من النصف أي ceux qui ont suivi إبليس parmi les êtres humains ils sont plus de la moitié نعم لأن أكثر الناس ils sont في ضلال عياذا بالله donc ça montre que même si c'est plus de la moitié الاستثناء il est valable أين الاستثناء في الآية قوله إلا من اتبعك من الغاوين et هؤلاء الغاوون même s'ils sont plus de la moitié فالاستثناء il est pris en compte et هذا على كل حال c'est pris en compte قال ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء هذا cet exemple est طيب لأن on revient à notre masala الكل on a dit الكل si c'est في العدد c'est pas pris en compte je te vends 10 livres sauf 10 livres هذا c'est pas pris en compte et ça c'est سفه من القول C'est pas un qawl de al-uqala, des gens doués de raison, ils diront pas, mitla hadhal kalam. Lakin fil wasf, on sort de l'adad. L'adad, c'est le nombre, 10 livres. Al-an al-wasf, qala, a'ati man fil bayt illa al-aghniya. Hey, tu donnes à ceux qui sont dans cette maison. Matalan, il y a un groupe d'hommes dans une maison. Et wahad, il te dit, j'ai une sadaqa, tu donnes à tous ces hommes, à où tu donnes à ces hommes qui sont dans cette maison, sauf aux riches, sauf ceux qui ont de l'argent. قال فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء. ثم أنت تروح et tu t'aperçois que tous ces hommes ils sont pauvres, donc tu donnes à tout le monde. ففي الحقيقة هنا, on répète كلام شيخ ابن عثيمين. أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا نعم أو أنا جابي دي سي توس دي بوب العكس بلوتو حتى نعم لأن يا كيلكو شوز كي نالي با العكس بلوتو tu rentres dans cette maison et tu t'aperçois que c'est que des riches donc tu donnes à personne فهذا قوله ولم يعطوا شيئا on répète الآن أعطي من في البيت إلا الأغنياء أعطي من في البيت إلا الأغنياء. في الحقيقة c'est tous des riches. Donc l'istithna ça revient à le donner à personne. الكل. Et bien هذا الحال c'est صحيح. Contrairement à je te vends 10 livres sauf 10 livres. هذا إن شاء الله c'est واضح. C'est clair. قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط. Donc on a fini المتصل بالاستثناء. Le résumé, أن الاستثناء c'est après العموم. إن الإنسان لفي خسر c'est une globalité, une généralité. Tous les êtres humains ils vont à leur perte. ثم, tu peux faire التخصيص avec إلا أو un mot qui ressemble à إلا. Et Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité des conditions. Parmi ces conditions, al-ittisal. Parmi ces conditions, al-ittisal. Inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu. N'am, fa fi hadha al-hal, on a fait sortir de la généralité et des êtres humains qui n'iront pas à leur perte ceux qui croient qu'ils font de bonnes œuvres ila akhir. Amma ma yata'allaq bi la deuxième condition, fa fi al-haqiqa sahla. C'est pas une condition que al-mustatna il soit plus de la moitié du mustatna min. Je te vends 10 livres sauf 6. C'est pas une condition. Tu vends 4 livres. Laquelle on a dit en général l'insan il formulera pas hakadha. Amma ma yata'allaq bil kull fa hadha al-amr, celui qui l'a compris sahl wa illa fa fa al-haqiqa c'est wadih, et par rapport au nombre ça arrive pas. Et si c'est un wasf, tu donnes pas à tu donnes à ces hommes, si c'est des riches, enfin si c'est pas des riches, tu donnes à personne. فهذا يصح. ثم قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة. Deuxième façon pour faire التخصيص, pour spécifier une généralité, الشرط. لغة العلامة. C'est pour ça qu'on dit أشراط الساعة. أشراط الساعة. أي علامات الساعة, les signes de la fin des temps. C'est pour ça qu'en arabe, tu peux trouver imma le mot alama, imma le mot shart, min ashrat al-sa'a. Et ils le traduisent par ashrat en français, en général, ils le traduisent par condition. قال والمراد به هنا. Et c'est ce qui nous intéresse, aïe fi ilm al-usul, dans cette mas'ala, تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بأن الشرطية أو إحدى أخواتها. إن فعلت كذا أعطيتك كذا. تساء الشرطية إن. قال والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. كل الشرط تقدم أي يعني العموم أو تأخر il est pris en compte. Qu'il soit cité avant la globalité ou après, il est pris en compte. مثال المتقدم, il est cité avant la généralité. قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أين العموم؟ أين الشرط؟ أين التخصيص؟ عند من؟ تفضل, تستطيع, تفضل. فالشرط فإن. نعم. إن سمطر الشرطية. زد. سبيل من؟ فتوا خصص ماذا بماذا؟ خصصنا عدم فتح السبيل بالتوبة. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أي هنا تبا سبيسيفي أو الله سبحانه وتعالى بلتو إلى سبيسيفي سو كون فاليسي مثلا من الكفار سي الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهؤلاء ils n'ont pas être combattu. فمثلا un groupe de كفار هذا الشرط celui qui a الشرط c'est الشرط هذا. Prépare un short, on lit Kalam Shah Notaymi fil Aya, ça sera plus clair. Mathalan, al-Mu'minoun, ils vont faire. Ils pensent faire le jihad contre un groupe de kuffar. Famin ha'oula. Donc, al-Mashru' c'est le jihad contre al-Kafirin, al-Mushrikin, il a ahari. Lakin, un groupe de ha'oula yatoub, wa yuqim al-Sala, wa yu'ti al-Zaka. Enfin, ils sortent de l'umum, ils sont plus combattus. Ah, là. On les a fait sortir bima là avec in. Et cette condition, fa in tabu wa aqamu as-sala wa atu az-zaka, il sort de al-umum. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الكلام من شرح شيخ ابن عثيمين. الحكم العام في قوله فخلوا سبيلهم والتخصيص بالشرط في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعلى هذا لا نخلي سبيل المشركين إذا وجدناهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا on a donné exemple avec الجهاد. C'est exactement, on a donné l'exemple avec jihad, et c'est exactement ça. فعلى هذا لا نخلي السبيل المشركين, et on ne laisse pas les mushrikin اذا وجدناهم مثلا في في jihad في معركه حتى يتوبوا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فلهذا حديث اسامه ابن زيد رضي الله عنه quand il a في المعركه il a rencontré ou il s'est retrouvé face à face avec un mushrik. Et le مشروع في الجهاد, c'est خاصه في المعركه en plein combat, eux ils nous combattent et nous on les combat. Tu le laisses pas, لأن si tu le laisses, il va te tuer. إما tu le tues, إما il va te tuer. هذا معروف. ف أسامة بن زيد رضي الله عنه il s'est trouvé face à un mushrik et ce mushrik il a dit أشهد أن لا إله إلا الله. Donc تاب, ça montre التوبة. Le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah, si un mushrik, un kafir, dit ashhadu an la ilaha illallah, al haqiqa tab, il est rentré dans l'islam. Donc on doit le laisser. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu ijtahada, et il a pensé que هذا المشرك il a dit هذا القول pour sauver sa vie, qatala. Il l'a tué. Le Nabi sallam ankara ali. قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. هذا ce hadith il vient te faciliter, clarifier اكثر هذا المعنى. ثم قال ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب المكاتبة, نعم طلب نعم الكتابة. هذا ونلي من كلام شيخ العثيمين أو كي سي كي بو avant qu'on lise. أين العموم وأين الشرط أين الاختصاء التخصيص. Tu as trois choses. Vu qu'on est dans le شرط, tu dois trouver le شرط. Vu qu'on est dans العموم, tu dois trouver العموم. ثم tu sais que le شرط ça spécifie العموم. Et tu nous montres pourquoi. عندما تفضل نعم والذين سي العموم حرف إن حرف شرط نعم فماذا الآن qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu comme تخصيص أحسنت فنكاتبهم إن علمنا فيهم خيرا لأن قوله والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة أي مما يملك الإنسان كما نرى في الكلام شيخ ابن عثيمين أي من العبيد des esclaves بعضهم يبل المكاتبة فسي علمت فيهم خيرا فنعم وإلا فلا. Donc ça montre أن la globalité des esclaves, مثلا واحد إلى 10 esclaves, إذا علم dans ces 10 أن دو فيهم خيرا نعم إفاء هذا الفعل المكاتبة معهم et les autres là. Donc ça montre qu'on a spécifié deux parmi les 10 en s'appuyant sur le verset et les deux qu'on va choisir الذين فيهم خيرا. هذا قال شيخ ابن عثيمين العموم في قوله والذين ثم قال إن علمتم فيهم خيرا فخصص العموم بمن يعلم فيهم الخير ومفهومه إن لم نعلم فيهم الخير فلا نكاتبه. فهذان مملوكان تقدم إلى سيدهما لطلب الكتابة، والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده. هذه زين فائدة. ده مثلاً للشرح اللي très très important. Vous pouvez acheter le شرح أو الحمد لله il est propagé en PDF et vous le lisez avant le درس أو après le درس. C'est mufid جدا. لأن الآن pour bien comprendre le mital il faut revenir au tafsir. الشيخ ابن عثيمين il le cite بخلاصة طيبة هنا. أن المكاتبة هنا العبيد أو العبد يشتري نفسه من سيده. أي il veut s'acheter lui-même vu qu'il appartient à un سيد, à une autre personne. Il veut المكاتبة, أي écrire un acte de vente أنه يشتري نفسه. فالله سبحانه وتعالى قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Et si vous pensez que vihim khayr, faites هذا الأمر. قال رحمه الله ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. الصفة هنا نبقى نخوض الصفة النعت في النحو. C'est plus global. Ça englobe le نعت, ça englobe le بدل, ça englobe le حال. Donc c'est pas as-sifa comme on a vu fi an-nahw avec ses conditions ila akhir. C'est plus vaste هنا. Donc as-sifa هنا c'est ma ash'ara bi ma'na yahtass bihi ba'd afrad al-'am min na't aw badal aw hal. Mithal an-na't qawluhu ta'ala famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Vous avez remarqué que هنا al-fatayat c'est من العموم. الفتيات c'est من العموم أي des filles. ثم c'est précisé المؤمنات des croyants. فهذا الوصف ça نعت هنا. C'est pour ça que il suit الفتيات. ça نعت حتى في النحو et يخصص العموم qui est cité juste avant. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. هذا اللي واضح. ومثال البدل قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. العموم سي الناس. ولله على الناس. مفهوم؟ البدل سي سبيلا. سبيلا. أي celui qui a القدرة من الناس فعليه الحج. Celui qui n'a pas la capacité de faire le hajj, il est excusé. قال الشيخ ابن عثيمين dans الشرح il a cité le verset ثم قال قوله ولله على الناس هذا عام. نعم. On a pris العموم de ماذا؟ أحسنت ألف لام dans الناس أي s'englobe جنس الناس جميع الناس. وقوله من استطاع تخصيص للعام فصار الحج واجبا على المستطيع فقط. نعم من استطاع أي بدل من الناس. نعم من استطاع إليه سبيلا. فهذا vous avez remarqué que الناس عام من استطاع إليه سبيلا c'est une partie de هؤلاء الناس c'est un بدل. Donc cette partie qui à Al-Qudra, ils sont visés par هذا الأمر. Ils doivent faire le hajj. Ceux qui ne rentrent pas via هذا, ils sont excusés. هذا واضح. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Cet exemple est un peu plus simple. عند من أين العموم وأين الحال. Et c'est quoi التخصيص. Et tu comprends quoi de ce verset. Ce mithal est le tayyib, et on l'a déjà expliqué ensemble dans des durous. Haqiqa, tu vas appliquer cette règle de usul et tu vas voir l'utilité dans la compréhension. Hein? Ceux qui ne participent pas, toujours les mêmes. Aïndaman, tawadda. Man yufid al-umum. تفضل. يقتل المؤمنان هو الحال لا الحال هو يقتل مؤمنا لا قالوا متعمدا والحال أحسن متعمدا هو الحال ومن يقتل أي هو فعل فاعل مؤمنا مفعول به متعمدا أي حاله في القتل سبعمد مفهوم donc on a bien الحال on a bien العموم من ça englobe tout le monde ومن يقتل مؤمنا متعمدا que ça soit le meurtrier un musulman un kafir le kafir qui tue ou pas il est vinnard لكن c'est grave donc ça englobe même le musulman ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخره on a déjà expliqué que الخلود هنا c'était بمعنى المكث الطويل En arabe, al-khuloud, l'éternité, c'est employé kadalik pour un temps très long. Limada liyanna, même si ce mu'min il tue, s'il meurt à la tawhid, yawmin al-ayyam, il sortira min al-nar. Limada liyanna, al-muwahid, il rentrera fil jannah. Un autre qawl tayyib, anna man yaqtul mu'min al-muta'ammidan, fajaza'uhu jahannam, ay qatl al-mu'min, ça peut pousser al-ridda. L'insan, il sort de l'islam, et il meurt à l'al-kufr, il rentre en enfer éternellement. Une des causes, c'était quoi? C'était ce meurtre. كما جاء في بعض الأحاديث أن من يقتل مؤمنا متعمدا ضغط الحديث بلح بلح تلمون صلاتخيس تلمون كي دسسبر عيدا بالله الشيطان يتمكن من قلبه يدل السندير عيدا بالله يقول لدينا expliqué cette مسألة qu'est-ce qu'on peut comprendre l'un de ce verset à part ce qu'on vient de citer par rapport à l'éternité عندما lié directement à notre point de usul. Tfaddal. N'am. Ahsant. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ay bighayri 'amd. On peut citer un mot en arabe? Ahsant. Khata'an. Qatlu al-khata' c'est autre chose. Celui qui tue un mu'min khata'an Il n'est pas visé par cette menace, ce châtiment-là. Mais yaqtul mu'minan khata'an, on a ce qu'il appelle ad-diyah. Il doit payer le prix du sang. Et des ahkam qui sont cités dans kutub al-fiqh. Na'am. Fa min hayth al-qatl, il n'a pas d'ithm, il n'a pas fait exprès. Mathalan, wahid, sans faire exprès, il écrase un mu'min avec sa voiture, il le tue, il ne l'a pas vu. Il y a des comptes à rendre à la famille, les malades, ils ont perdu un proche. أما من حيث أنه يرانترا en enfer إلى آخره فلا هذا والله أعلم donc vous avez vu avec هذه الأحكام العظيمة la langue arabe لأن pour appliquer les règles أصول tu dois connaître la langue arabe من c'est من الفاظ العموم ثم tu fais le lien avec الأصول أنه يا عموم يا أحال أي أن حال هذا القاتل c'est العمد tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses tout ça en langue française tu ne le trouveras jamais Voilà, c'est pas, tu ne pourras pas appliquer des livres de usul avec la langue française. فَلِهَذَا الْعِنَايَةِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ Ça ouvre des portes jamila, عظيمة, في الفهم. Pour moi, si tu comprends, tu pourras méditer. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ التَدَبُّر يَحْصُل بِالْفَهْمِ Tu ne peux pas méditer sur une chose que tu ne comprends pas. Et هذا التدبر, ça fait monter l'iman. Et si ton iman immonde, bi'idnillahi azza wa jal, tu pourras appliquer. Et quand tu auras appliqué, kadhalik, tu pourras montrer aux autres. Tu as lu, tu as compris, tu as médité, tu as mis en application, et tu pourras montrer. Et hakada al-khair. Et après avoir fait toutes ces choses, lu, médité, compris, appliqué, enseigné, montré, inshallah, tu auras un ajr azim indallahi subhanahu wa ta'ala. Pour les efforts que tu as fait, pour les œuvres que tu as accomplies, pour la da'wah, tout ça, tu auras du ajr. Et c'est ça, en fait, le sens de qawli azza wa jalla, inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Limadha Allah subhanahu wa ta'ala najjahum min al-khusran? Limadha li'annahum amanu wa amilu s-salihat, ils ont fait ad-da'wah. Et kadhalik sabaru. Dahaba al-waqt, naktafi bihadha. هذا الباب on le fait en deux il est assez long et il est muhim donc aujourd'hui on a étudié ensemble al-khass Et on a lu le tarif de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah daddal ala mahsour bi shakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal ishara wal adad. Et on a ajouté un tarif plus simple et plus précis, al mukhraj min al adam min al am bi dalil al mukhraj, et c'est ce qui est sorti d'une globalité avec une preuve. At-takhsis, c'est le fi'l, c'est le fait de faire sortir cette chose de cette globalité. Donc al-khas, c'est al-mukhraj min al-am bidalil, et al-takhsis, c'est ikhraj ba'd afrad al-am bidalil. Thumma, on a vu ensemble anna al-mukhassis ou al-takhsis, il est de deux sortes, muttasil wa munfasil. Al-muttasil, c'est de plusieurs façons, al-istithna et كذلك الشرط وكذلك الصفة. Et on a cité des exemples pour chaque. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين. Donc tout le monde court à sa perte sauf المؤمنون العاملون إلى آخره. ثم الشرط قوله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا. أي هؤلاء on applique Al-kitaba ma'ahum, on fait le kitaba ma'ahum si na'lam fihim khayran, si on sait qu'il y a du bien en eux. Donc, hada fil haqiqa, hada shart, ça fait sortir certaines personnes d'une généralité. Et ceux qui n'ont pas de bien, fala. Et as-sifa, on vient de lire le mital, wa ma yaqtul mu'minan. Ou as-sifa, il y a plusieurs cas, na'am al-na'at al-badal al-hal. Et on a lu ensemble les exemples. Wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan, hada c'est l'hal. هذا c'est le hal, et la haqiqa ça spécifie le umum mu'min, et celui qui tue un croyant volontairement. Qawluhu volontairement, ça fait sortir celui qui tue un mu'min involontairement par erreur. هذا والله تعالى اعلم. فريفيزي هذا الكتاب اللي مفيد جدا, ريفيزي له. Et le prochain cours on termine ensemble insha Allah ta'ala al khas, et on aura fait à peu près la moitié du livre. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق للجميع. نكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين. Prochain درس demain إن شاء الله تعالى. Si on peut, on fera une محاضره, une kalima, et si on peut pas, enfin, on continue l'étude de الأسماء, شرح الأسماء الحسنى et تحفة الإخوان. تفضل. Cite-le. Fais les stétna. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Et mada? Tu n'as pas compris hada et quoi? Il est où Ouartiman fil bayt ila al-aghniya, juste en dessous. Naam. Naam. Hada, c'est par rapport à al-kul. On parle ou hada al-shart fima idha kana istitna min adad. Aïcha Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, il a cité anna al-mustatna, s'il est akthar min nisf al-mustatna minh, fa ba'd al-ulama qalu annahu la yassih. Al-mustatna, s'il est akthar min nisf, aï, 10 livres. Je vends 10 livres, sauf 6. Bad al-ulama qalu la yassih. Faut que ça soit en bas de la moitié. Je vends 10 livres, sauf 4. Hada al-qawl, on a dit, il n'est pas sahih. Même si c'est plus de la moitié, c'est valable. Thumma, un autre point, anna al-kul, si on dit je vends 10 livres, sauf 10 livres, hada la yassih. Et là, ça veut rien dire. En fait, il ne vend pas. Antahina. Thumma, on sort du adad, avec des nombres, et on revient au wasf. Le wasf est, مثلاً, al-ghawun, c'est un wasf. Il n'y a pas de nombre. Al-ghawun, c'est al-dallun. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawun. Ay Allah subhanahu wa ta'ala qala li Iblis, inna ibadi laysa alayka alayhim sultan. Ay tu ne peux rien faire contre mes ibad. سوف استثناء الا من اتبعك من الغاوين. الان سي كو لو بلو نومبرو، الصالحون المؤمنون او الغاوون الكافرون؟ تفضل. الغاوون سون بلو نومبرو. دونك هنا الاستثناء الا من اتبعك المستثنى الى بلوس كو المستثنى منه. المستثنى سي الغاوون، المستثنى منه سي قوله عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي عباد الله المؤمنون. Donc, Cheikh Mouadamine, il a cité ce verset pour montrer que même si c'est plus, c'est permis. Et il y a ça. Thumma, il va plus loin, Cheikh Mouadamine, et il montre même si c'est tous, c'est permis. Qala, walou qulta, a'ti, man fil bayt, illa l'agniya. Donc, man c'est, min alfad l'umum, a'ti man fil bayt. Tu donnes à tous ceux qui sont dans la maison, sauf l'agniya. ثم قال فتبين ان جميع من في البيت اغنياء. دونك في الحقيقه هنا اعطي من في البيت الا الاغنياء، tu donnes à tous ceux qui sont dans la maison sauf aux riches. ثم tu rentres dans cette maison il y a que des riches. ففي الحقيقه tu donnes à personne. ففي هذا الحال يصح الاستثناء même si ça englobe جميع من في البيت، لان جميع من في البيت c'est des quoi؟ c'est des riches. دونك في هذا الحال On n'a pas à dire comme l'exemple de Al-Adad dans le nombre, annahu la yassih. Donc, fi al-wasf yassih. Et celui qui a du mal à comprendre hada, inshallah ta'ala, l'amr sa. Et la différence entre le verset, c'est que le verset, c'est pas un mithal pour le kul. Là, c'est un mithal pour al-akthar. Léana, al-ibad, c'est pas tous des égarés. Al-shaytan, il n'a pas égaré tout le monde. Là, il a égaré une grande majorité. Bi-idnillahi azza wa jalla. Amma le deuxième exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité avec les riches dans le bayt, fa hada, ça englobe tous. Et c'était tous des riches. Hada, wallahu a'lam.